Chapitre 21 Adieu Violette. Cette gomme, poursuivit Monsieur Honka, est la dernière, la plus importante, la plus fascinante de mes inventions. C'est un vrai repas. Cette minuscule bande de gomme que vous voyez là est à elle seule un véritable dîner composé de trois plats. Que racontez-vous là? C'est insensé, dit l'un des pères. Cher monsieur, s'écria Monsieur Honka. Cette gomme, une fois mise en vente dans les boutiques, changera la face du monde. Ce sera la fin des plats cuisinés. Plus de marché à faire, plus de boucherie, plus d'épicerie, plus de couteaux, plus de fourchettes, plus d'assiettes, plus de vaisselle à laver, plus de détritus, plus de pagaille. Rien qu'une petite barre magique de chewing-gum Wonka. Elle remplacera votre petit déjeuner, votre souper. Ce morceau de gomme que vous voyez là représente justement une soupe à la tomate, un rosbif et une tarte aux myrtilles. Mais le choix est grand, vous trouverez presque tout ce qui vous plaira. Soupe à la tomate, rosbif, tarte aux myrtilles, que voulez-vous dire par là? Demanda Violette Beauregard. Il suffit de mâcher cette gomme, dit Monsieur Honka, pour avoir exactement l'impression de manger les plats de ce menu. C'est absolument stupéfiant. Vous croyez avaler réellement votre nourriture, vous la sentez qui descend jusque dans votre estomac, et vous mangez avec appétit. Et après, vous avez le ventre plein. Vous mangez à votre faim. C'est formidable. C'est tout à fait impossible, dit Viruka Salt. Du moment que c'est de la gomme, hurla Violette Beauregard. De la gomme qui se mâche. Ça m'intéresse. Cela dit, elle recracha son bout de chewing-gum voué à tous les records du monde et se le colla derrière l'oreille gauche. À nous deux, Monsieur Wonka, dit-elle. Passez-moi votre fameuse gomme magique et nous verrons bien ce que ça donne. Voyons, Violette, dit Madame Beauregard, sa mère. Tu vas encore faire des bêtises. Il me faut cette gomme, dit Violette avec obstination. Ce n'est pas une bêtise. Il vaudra mieux que tu ne la prennes pas, dit avec douceur Monsieur Wonka. Vois-tu, elle n'est pas encore tout à fait au point. Il y a encore quelques détails. Cause toujours, dit Violette. Et soudain, avant même que Monsieur Honka pût intervenir, elle étendit une main potelée, sortit la gomme de son tiroir et la prit dans sa bouche. Et aussitôt, ses larges mâchoires bien entraînées se mirent à travailler comme une paire de tenailles. Arrête ! Dit Monsieur Honka. Fabuleux ! Hurla Violette. Du tonnerre, cette soupe à la tomate ! Chaude, épaisse, délicieuse, et ça descend ! Arrête ! Dit Monsieur Honka. Cette gomme n'est pas prête. Elle n'est pas au point. Mais si, dit Violette. Elle fonctionne à merveille. Oh, mon Dieu, quelle bonne soupe! Recrache-la, dit Monsieur Honka. Ça change, hurla Violette, tout en mastiquant avec un large sourire. Voici le second plat, du rosbif. Oh, comme il est tendre et succulent. Et ces patates, elles ont la peau croustillante, puis à l'intérieur, il y a du beurre. Comme c'est intéressant, Violette, dit Madame Beauregard. Tu es une fille sensée, vraiment. Vas-y, ma fille, dit Monsieur Beauregard. Continue, mon lapin. C'est un grand jour pour les Beauregard. Notre petite fille est la première au monde à manger un repas chewing-gum. Tous les regards étaient fixés sur Violette Beauregard en train de mâcher cette gomme extraordinaire. Le petit Charlie était comme hypnotisé par le spectacle de ses lèvres épaisses et mobiles qui s'ouvraient et se refermaient. À ses côtés, grand-papa Joe paraissait également fasciné. Monsieur Honka, lui, se tordait les mains en répétant « Non, non, non, non, cette gomme n'est pas prête, elle n'est pas bonne, tu n'aurais pas dû. » « Et voici la tarte aux myrtilles à la crème !» hurla Violette. « Ça y est! Oh, c'est tout à fait ça! C'est épatant! C'est tout à fait comme si je l'avalais! Comme si j'avalais de bonnes cuillerées de la plus merveilleuse tarte aux myrtilles du monde! Ciel! Ma fille !» s'écria soudain Madame Beauregard, les yeux posés sur Violette. « Qu'est-ce qui arrive à ton nez ? Oh, tais-toi, mère, et laisse-moi finir !» dit Violette. « Il vire au bleu !» hurla Madame Beauregard. « Ton nez devient bleu comme une myrtille !»« Ta mère a raison !» hurla à son tour Monsieur Beauregard. « Tu as le nez tout violet !»« Tes joues ! Tes joues !» hurla Madame Beauregard. « Elles virent au bleu aussi ! Et ton menton ? Toute ta figure est bleue ! « Recrache immédiatement cette gomme !» ordonna Monsieur Beauregard. « Pitié ! Pitié ! Au secours !» hurla Madame Beauregard. « Ma fille est en train de devenir bleue et mauve partout, même ses cheveux changent de couleur. Violette, te voilà, Violette ! Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je t'avais bien dit que ce n'était pas au point, » soupira Monsieur Honka. en secouant tristement la tête. « Ça, vous pouvez le dire !» cria Madame Beauregard. « Ma pauvre fille, voyez ce qu'elle est devenue !» Tous les yeux étaient fixés sur Violette. Quel terrible et singulier spectacle! Son visage, ses mains, ses jambes et son cou, en fait toute sa peau, sans oublier sa chevelure bouclée, tout était d'un bleu-violet éclatant, exactement comme du jus de myrtille. « Ça se gâte toujours au dessert !» soupira M. Wonka. « C'est la faute de cette tarte aux myrtilles. Mais un jour, j'y arriverai, vous verrez !»« Violette !» hurla Madame Beauregard. « Te voilà qui grossis !»« Je ne me sens pas bien !» dit Violette. « Tu gonfles !» hurla Madame Beauregard. « Je me sens bizarre !» suffoqua Violette. « Ça ne m'étonne pas !» dit M. Beauregard. « Ciel !» hurla Madame Beauregard. « Tu gonfles comme un ballon, ma fille !»« Comme une myrtille !» dit M. Wonka. « Vite, un médecin !» cria M. Beauregard. « Piquez-la avec une épingle !» dit l'un des pères. « Sauvez-la ! Sauvez-la !» pleura Madame Beauregard en se tordant les mains. Mais il n'y avait pas moyen de la sauver pour l'instant. Son corps s'arrondissait toujours, changeant d'aspect avec une rapidité telle qu'au bout d'une minute, il fut transformé en une énorme boule bleue, une gigantesque myrtille. Tout ce qui restait de Violette, elle-même, était une minuscule paire de jambes et une minuscule paire de bras plantés dans le gros fruit rond, et une toute petite tête posée au sommet. « C'est toujours la même chose !» soupira M. Wonka. « Je l'ai essayé 20 fois dans mon laboratoire, sur 20 Oompa Loompa, et tous les 20 ont fini par être changés en myrtille. C'est très... ennuyeux. Je n'y comprends vraiment rien. « Mais je ne veux pas de myrtille pour ma fille !» hurla Madame Beauregard. « Réparez-la-moi vite, pour qu'elle soit comme avant !» M. Wonka claqua des doigts, et 10 Oompa Loompa apparurent aussitôt à ses côtés. « Roulez Miss Beauregard dans le bateau, leur dit-il, et conduisez-la vite à la salle aux jus de fruits. »« La salle aux jus de fruits ?» s'écria Madame Beauregard. « Qu'est-ce qu'ils vont en faire là-bas » ? « La presser, » dit Monsieur Wonka. « Il faut qu'elle perde immédiatement tout son jus. Après, nous verrons bien. Mais ne vous tourmentez pas, chère madame. Nous vous la réparerons, quoi qu'il arrive. Je suis navré. Vraiment. » Déjà, Lady Oompa Loompa roulait l'énorme myrtille à travers la salle des inventions, vers la porte qui s'ouvrait sur la rivière de chocolat où les attendait le bateau. Monsieur et Madame Beauregard les suivirent en courant. Ce qui restait du groupe, y compris Charlie Bucket et Grand-Papa Joe, demeura immobile en les regardant s'éloigner. « Écoute !» dit Charlie. « Écoute, Grand-Papa. Les Oompa Loompa se remettent à chanter. » Les voix, une centaine de voix chantant en chœur, leur parvenaient directement depuis le bateau. « Chers amis, il faut bien savoir que rien n'est moins joli à voir qu'un petit monstre dégoûtant mâchant de la gomme tout le temps. C'est presque aussi mal avoué que d'avoir les doigts dans le nez. On vous le dit, et c'est bien vrai, le chewing-gum ne paie jamais. Cette habitude déplorable appelle une fin bien lamentable. Connaissez-vous la triste histoire de Mademoiselle Pipe Noire ? La redoutable Mijaurée mastiquait toute la journée. Elle mastiquait soir et matin, à l'église, au bal, dans son bain, dans l'autobus, dans l'ascenseur. Vraiment, ça vous soulevait le cœur. Et ayant égaré sa gomme, elle mâchait au linoléum tout ce qui était à sa hauteur, des gants, l'oreille du facteur, le jupon bleu de sa belle-sœur, et même le nez de son danseur. Elle mâchait, mâchait sans répit, sa mâchoire sans ressenti, et l'envergure de son menton fut celle d'une boîte à violon. Ainsi repassèrent les années, 50 paquets par journée, jusqu'à ce fameux soir d'été où elle fut bien embêtée. Après avoir lu dans son lit tout en mâchant, elle s'endormit, tout en faisant, dans la nuit noire, travailler dur ses mâchoires. Comme elle n'avait rien sous la dent, ce fut d'autant plus trépidant. Elle était si bien entraînée qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Ça faisait tic-tac dans le noir, avec un vrai bruit de battoir. Sa bouche, telle une porte cochère, s'ouvrait dans un bruit de tonnerre. Enfin, sa mâchoire géante bâilla et demeura béante. Béante pour un bon moment, puis se referma violemment. Et sous le coup près hideux, elle eut la langue coupée en deux. Muette pour le reste de ses jours, elle fit un très long séjour à l'affreux sanatorium. Tout cela à cause du chewing-gum. C'est pour cela que sans retard, faut empêcher Miss Beauregard de souffrir le même martyre. Il faut lui éviter le pire. Comme elle était jeune, l'espoir est grand quand elle survivra à son traitement.